Bon, on a le bonjour de quelqu'un. Bonjour mes amis TikTok, j'espère que vous allez tous bien ce mercredi 1er mars 2023. Il sera dans le Blacklist dans quelques minutes et il nous dit bonjour. Bonjour. Oh, c'est gentil ça, bonjour, bonjour. 2000 watts de puissance sonore. Allez, on démarre. Et 15 000 watts de puissance lumineuse à votre disposition. Je mange des patates et du lait. La la la la. Une vieille gamin, j'en suis peiné. La la. Ah, vous l'aurez en tête, hein. Il n'y a que si que je picole. La la la la. Sans me ramasser une torgnole. De la part de Monique, c'est folle, c'est folle. Je mange des patates et du lait. La la la la. Une vieille gamin, j'en suis peiné. Machine. Musique. Machine. Une soupe au poivre. Allez, c'est parti, on démarre. Le grand n'importe quoi de la bande FM, c'est maintenant. Nous accueillons Maître Edmy qui nous fera l'honneur d'être notre maître et notre huissier de justice ce soir pour compter les points. Bonsoir Maître Edmy. Eh, hey, à un moment donné, j'ai fait le tour des voix, hein. Maître Edmy, bonsoir. Non, c'est Maître Deka. Ah non, ça c'était la semaine dernière. Oui. Non, cette semaine on est passé à Maître Edmy. Ok. Tu veux la même voix? Bah non, sinon c'est plus. C'est... Non. Mince. Bah trouve-nous une voix. Non, trouve-nous une voix. C'est électronique. Jean-Marc nous fera le. Drôle. Ah, c'est énorme. Moi je mets les points. Allez, c'est Jean-Marc cette semaine qui nous fera les points. Excellent. Mais pas grossier, hein, c'est la journée mondiale du compliment, Jean-Marc. Bah ta gueule, sur KF. C'est vrai. Allez, on démarre, vous êtes tous prêts? Oui. Ouais. Voici des reprises qui viennent de TikTok, à vous de retrouver les vrais interprètes. Interprètes. Ça c'est à cause de Jean-Michel et son moine. C'est la version, vous savez, chez nous, les interprètes sont au-delà de ça, c'est des demi-dieux, c'est des interprètes pour nous. Ou alors c'est, vous savez, les Jeux Olympiques des prêtres. Les interprètes. Bon allez, je vous propose qu'on démarre avec le premier extrait. Ah, c'est pas mal. Allez, tu l'auras, Maëva. Non. Si, si. Ah, je la ferais bien, celle-là. Oh, toi, tais-toi, Jean-Marc. Je Oh, putain, allez, je l'aime, mais je l'ai pas. Attention, c'est avec le refrain. Oui, je l'ai. Attention, ah, écoutez. Oui. The rhythm of the night. The rhythm Bonne réponse. Of the night. Toi, tu le sais. Non, je te jure, je ne l'ai pas. Le nom de la chanteuse est intimement lié à la crise sanitaire. Covid. Non. Vid. Oui. Covid. Mais non, pas Covid. 19. C'est quoi l'autre mot pour Corona. Bonne réponse. Non, mais je ne l'ai pas. Le compte pas. Bah, ceci dit, Kix est la seule personne à avoir eu l'intelligence de dire The Rhythm of the Night. Non, mais je me rappelle du titre. Enfin, Jean-Marc, comptez un point pour Kix. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. C'est quand même, c'était sexy comme version sur TikTok. Je trouve qu'elle a un sens du rythme inégalé, hein, oui, notre oui. Ashley. Ashley. Là, c'est plus Ashley Mo, mais bon. Ouais, ça passe à la trappe. Hein. Allez, merci. On continue. Blanket, oui. Deuxième yes. Extrait, c'est parti. C'est vrai que je fume trop. Marc Lavoine. C'est vrai que le titre trop. Maëva pardon, merde. Je t'aime de trop. Non. C'est vrai que je trop. C'est bien Marc Lavoine, mais c'est pas le titre. Fume. Trop. Mais non, c'est pas ça, fait que tu fumes. Ce soir, j'ai bu un haut de verre de trop. Il est vrai que le souffle court. Non. Trop. Il va le dire. C'est vrai. Pas maintenant. C'est trop. C'est trop. Vous connaissez pas le refrain? Non. Je me sens si seul. Bonne réponse. Je me sens si seul et tu me manques trop. Quand j'écoute le souffle court. Ah, j'aime beaucoup. Ah, je sens qu'il ferait une carrière, lui. Quand j'écoute le souffle court. Et après Marc Lavoine, je vous propose Marc Flocon d'Avoine. Je me sens fidèle, tu me manques tant. Je veux tout le souffle vivant. Tu me manques tant, je me sens fidèle. Allez, c'est bon, on va couper la musique. Et Jean-Marc Lavoine. Tout everything, everything, everything, everything. Il continue. Il n'y a plus de musique, il continue. C'est des heures sup. Attends, il a on plus, arrête là. Il a plus de voix. Voilà, ma bise, vous continuez comme ça. Jean-Marc, vous pouvez compter le point pour Maëva. Ce qui nous fait un partout. Comme quoi, il se peut que cette fois-ci, Kix ne l'aura pas. Ouais. Je l'aurais pas fait. J'allais dire. Ah, ok. Voilà. Bref, c'est pas grave. Tu voulais j'étais dans le cul. Oui, voilà, c'était ça. Mais c'est pas grave, l'improvisation, on la fera chez nous hein, quand ce sera passé l'émission. Troisième manche. Que j'écoute everything. Ah non, c'est fait. Oh là là, oh malheureux, malheureux. Voici le troisième. Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, il a pas tellement changé la France. Qui se connaît l'air. Passe les jours et les semaines, y a que des corps qui évoluent. La mentalité la même, tous ces tocards, tous ces focus. Allez, c'est connu. Ils sont pas lourds en février à se souvenir. Ah, je sais, je sais. Vas-y, non, c'est pas. Vas-y, vas-y. Non, c'est pas Renaud. C'est ça, bonne réponse. Quel est le titre? Les Français. Non, c'est un synonyme. Ça ressemble à quoi la France? Les Francs. Hexagone. Hexagone, bonne réponse. Maintenez sous le signe de l'Hexagone. C'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône. Me dites pas qu'il est portugais. Ouais, parce que Nico il le chante bien. Maintenez sous le signe de l'Hexagone. C'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône. Oui, mais c'est très bien. Hein. Et surtout quand on chante du Renault, il faut pas essayer de faire du Renault. C'est pas la gloire en vérité. Tadam. Et le roi des cons sur son trône. Et vous connaissez la version de Nicolas Sarkis du groupe Indochine? Non, pas du tout. Ah, bah si. Oui. Si, bah oui. C'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône. Me dites pas qu'il est portugais. Ah, mais je la trouve très fraîche sur cette version. Ouais. Bon, bah là, j'aime bien. Je voulais me la mettre pour le kiff. La meilleure voilà. Que t'en aies, non? Ouais, merci Jean-Marc. Ça fait quoi les points là? On ça en fait est où? 2-1 pour Maëva, bien sûr. Quatrième manche, on se concentre. Il y a moyen, Kix. Allez, et franchement, oui, c'est bon, Jean-Marc, s'il vous plaît. Je fais une pause. Merci. Kix, il y a moyen que tu l'aies. Hein. J'espère. Bah oui, là, tu peux maintenir l'égalité. Hein. L'air de rien. C'est vrai. Si tu es né dans une cité en Chine, trio, team de nos campagnes. Voilà, merci, Maëva. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle. Du monde animal, crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Juste pour savoir, tu voulais dire quoi avant que ça commence? Non, parce que du coup, j'étais un peu perdu, j'ai pas compris. Oh, c'est pas grave. Tu disais que je pouvais toujours revenir non, à l'égalité. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Faut quand même savoir comment Maëva a trouvé sur. Ça, juste ça, pour moi, c'est un train qui grince. Moi, je peux rien trouver là-dessus. Hein. Attends, il dit hymne de nos campagnes. Il ne dit pas c'est l'hymne de nos campagnes. On rappelle que c'est l'hymne de nos campagnes. Vas-y, Johan. Hymne de nos campagnes. T'as bouffé les mots. La vie est mon animal. Il est bien fort, c'est qu'on ne manque. Ouais, non, non, ne le juge pas. Non, vraiment, ne fais pas. Dernière manche. Ouais. Je peux revenir à l'égalité. Non, ouh. Mais non. Si, si, si, on va le croire. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Kix, oui. Kix, vous voyez, Kix, je peux Kix, revenir Kix, à l'égalité. Ah, on fait pas des génies ici. Hein. Oui, nous sommes les champions de la fréquence. On nous connaît, nous sommes tous amis. Dernière manche. Ma passion, mon bonheur, ma maison. Kenny Girac. Oui, ah, ouais. Rita. Coloritano. Point collectif, non. Effectivement. Elle a dit color, genre, dit, non, elle a dit Ritano, j'ai dit color. Sans toi, sans toi elle n'aurait jamais dit color. Mais oui. Ne faites pas semblant quand vous venez de dire. tu es la soupline qu'on ajoute à la lessive. D'accord. C'est beau. C'est la journée mondiale du compliment, écoutez. C'est bon. Le Viagra qu'on offre aux vieux. Est-ce que pour le plaisir, on peut quand même écouter la version de Brian? Bah allez. Oui. Allez, Brian. Ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, colorita. Il fait du placement de produits par la même occasion. Gitano. Le calendrier de l'avant Kenji Girac. Ritano. Vous êtes prêts là, hein? C'est le Stade le de France. Le cœur qui bat sous ma peau. Attention, on y va! Tapez dans vos mains! Oui, tu tapes dans tes mains! Oui, tout le monde tape dans ses mains ici. Tapez dans vos mains! Ritano. Le cœur qui bat sous ma peau. On met le son. Mets la musique, mec. Yeah. Ritano. Ne chante pas si loin. Le cœur qui bat sous ma peau. En fait, je pense qu'il se marche dessus en même temps. Tu vois, tu sais, quand, ouais, quand tu te prends la table ou je sais pas. Ritano. Ça, c'est un mano renté ou quoi? C'est long. Dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos sangs, dans nos flammes, nos couleurs gitanes. J'adore parce qu'il passe quand même de... Dans nos cœurs. Oh, c'est incroyable. Il y a eu deux accidents de voiture. Gitano. Les colonnes de Michello. Oula. Il n'est pas tout seul. Il est marqué sur territoire, je crois. Incroyable. Et donc ça, ça sera son nouvel album du coup de Pierre Demar, c'est ça? Pourquoi? Mais non. Ah, c'était pas lui, ok. Non. Oh la vache. On vous a gardé le meilleur pour la fin, l'air de rien. Ah bah là.